Chapitre 15. Le train. Ophélie observait l'ancien monde depuis les nuages. Elle aurait voulu perdre de l'altitude, se plonger dans le dédale des villes, se mêler à la vieille humanité et percer les mystères du passé. Mais tout cela restait inaccessible. Alors qu'elle se concentrait de toutes ses forces sur le monde d'en bas, un tapis se déploya sous ses pieds et Ophélie se retrouva dans sa chambre d'enfance, sur Anima. Elle se tenait devant le miroir mural, fixant son reflet. Elle était toute jeune, en peignoir de nuit, avec des cheveux bouclés qui n'avaient toujours pas bruni et de bons yeux qui n'avaient pas encore besoin de lunettes. Que faisait-elle debout à cette heure-ci? Ah oui, ça l'avait sortie du lit. Ça se trouvait là, dans le miroir, juste derrière son reflet. Ça voulait lui demander quelque chose. « Peux-tu me donner l'heure, je te prie ?» Ophélie se réveilla en sursaut et tourna la tête vers la tante Roseline qui s'agitait sur la banquette du train. « Oh, pardon, tu dormais ?»« Somnolait seulement, » marmonna-t-elle, ce qui ne l'avait pas empêché de faire encore ce rêve. Depuis son dernier accident de miroir, c'était toujours la même vision finale, la chambre, la glace, le reflet. Elle se demandait vraiment ce que ça signifiait. Ophélie tira sur la chaîne de la montre qu'elle avait rangée dans sa poche de manteau et, d'un geste malaisé, en souleva le couvercle. Il y avait là quatre cadrans miniatures incorporés dans le cadran horaire principal. Un chronographe, un calendrier et deux dont Ophélie ne comprenait toujours pas la fonction. La montre de Thorn. « Si vous doutez encore de moi à l'avenir, lisez-la. » Cet homme avait une façon bien à lui d'essayer de gagner la confiance de quelqu'un. « Bientôt minuit, » dit-elle en remontant ses lunettes sur son nez. « Ah, ces trains !» pesta la tante Roseline. « On s'y ennuie, comme des dessous de plat. « Passe-moi une autre revue. Trouve-en une qui soit vraiment en mauvais état, que ça me tienne éveillée. » Ophélie chercha parmi les vieux numéros du journal des dames et des modes l'exemplaire le plus froissé et le plus déchiré. Certains voyageurs passaient le temps en feuilletant des journaux. La tante Roseline, dont l'animisme excellait dans la restauration du papier, passait le sien en les rafistolant. Le Septentrion Express ne cessait de quitter un tunnel pour un autre. Quand il n'y avait plus de tunnel, des remparts infranchissables prenaient aussitôt la relève de part et d'autre des rails. Ophélie n'avait vu que des murs depuis leur départ précipités de la Cité à Ciel la semaine dernière. Un dirigeable les avait déposés dans une petite ville minière encerclée d'usines et tôt ce matin, elles avaient pris le train à destination des Sables d'Opale, une station balnéaire située tout au sud de l'Arche. Les voies ferrées du pôle étaient de véritables forteresses, conçues pour protéger les voyageurs des bêtes sauvages. Ophélie reporta son regard sur la montre et son cœur se mit à battre plus vite que l'aiguille des secondes. D'après le télégramme que Thorn avait transmis à leur dernier hôtel, les 21 membres de sa famille avaient atterri dans le courant de la journée, puis ils avaient été invités à prendre une correspondance pour les Sables d'Opale. Si leur train n'avait pas été retardé, ils étaient tous déjà sur place. « Toujours décidé à ne rien dire à ta mère ?» demanda la tante Roseline comme si elle avait intercepté les pensées d'Ophélie. « Je n'ai pas l'intention de lui mentir, mais je ne vois pas non plus l'utilité d'entrer dans les moindres détails. » Sa tante fit glisser ses longs doigts effilés sur une page froissée. Un fer à repasser n'aurait pas été plus efficace que son animisme patient et méticuleux. « Nous ne leur avons rien écrit de ces détails parce que la voie postale n'était pas fiable, » rappela-t-elle. « Je serais plus muette qu'une cloche sans battant, si c'est ce que tu veux. Mais toi, ma fille, tu devrais parler franchement tant que tu en as l'occasion. Que Thorn te tienne éloignée de la cour jusqu'à votre mariage, c'est bien joli, mais ça ne résout pas le principal problème. » La tante Roseline décrocha un bref regard à Ophélie qui mordillait nerveusement les coutures de son gant. « Farouk s'est entiché de toi !» Un frisson parcourut Ophélie sur toute la surface de sa peau. « Je lui rappelle quelqu'un, c'est différent. C'est un peu comme s'il se cherchait autant à travers moi qu'à travers son livre. » Chaque fois qu'elle repensait à sa confrontation avec l'esprit de famille, elle était traversée par des émotions contradictoires. Une partie d'elle-même, vraisemblablement son instinct de survie, voulait se tenir le plus loin possible de son livre. Quelle que fût cette vérité que cherchait confusément Farouk entre ses pages, Ophélie sentait que s'en approcher revenait à se mettre en danger de mort. Mais une autre partie d'elle-même, déraisonnablement professionnelle, se sentait frustrée d'avoir laissé passer la lecture la plus passionnante de toute sa carrière. « Si encore il n'y avait que cette histoire de livre !» marmonna la tante Roseline. « Voilà maintenant que des nobles se font enlever juste sous le nez des gendarmes. Le clair de lune est peut-être l'endroit le moins recommandable du pôle, c'est aussi le plus protégé. Vraiment, ce qui se passe sur cette arche ne me dit rien qui vaille. » Ophélie se prit d'un intérêt subi pour les étincelles d'escarbilles derrière la vitre. Même s'il n'y avait pas de lien formellement établi entre la disparition du directeur du Nibelungen et les lettres mystiques retrouvées dans ses affaires, Ophélie n'avait osé dire à personne qu'elle avait reçu un avertissement très similaire. Il s'était écoulé 3 mois depuis, et elle n'avait pas disparu, mais tout de même, elle y pensait souvent. « Maman, papa et les autres seront tous repartis dans 1 mois, » dit-elle. « Je n'ai pas envie de les affoler pendant leur séjour ici. Si tout va bien, ils ne verront ni la cour ni Monsieur Farouk. Moins il y aura personne mêlé à toutes ces histoires, mieux ce sera. »« Et moi? Tu me feras les mêmes cachotteries quand je ne ferai plus partie de ta vie ?» Ophélie considéra avec stupeur le profil jaune et sec qui se concentrait sur une déchirure du journal des dames et des modes. « Ma tante, je ne voulais pas... »« Non, c'est moi, » bredouilla la tante Roseline. « Je te présente mes excuses. Dans 1 mois, tu seras une femme mariée et ma mission de chaperon touchera à son terme. Après tout ce que j'ai vécu ici avec toi, eh bien, mon atelier de restauration me paraîtra plutôt ennuyeux. » La tante Roseline avait toujours été, aux yeux d'Ophélie, une femme aussi inébranlable qu'une poutre. De la voir se fêler ainsi sur cette banquette de train lui noua la gorge. Elle aurait voulu trouver les bons mots là, maintenant, pour vite colmater cette brèche et rendre à la tante Roseline toute sa solidité. Mais Ophélie ne sut pas quoi lui dire. Il en allait toujours ainsi avec elle. Plus elle avait le cœur gros, et plus sa tête était vide. Sa tante eut un sourire bref qui dévoila sa denture de cheval. « C'est ironique, n'est-ce pas ? Tu n'aspires qu'à revenir vivre sur Anima, et moi, je regretterais presque de ne pas pouvoir rester ici. » Dans l'impulsion du moment, Ophélie faillit lui avouer qu'elle ne voulait pas non plus la voir partir, mais elle se ravisa à temps. S'il y avait une chose qu'elle ne souhaitait à personne et surtout pas à sa tante, c'était de vivre dans les mêmes murs que les siens. Quand la tante Roseline leva enfin les yeux de sa revue, ce fut pour tourner un regard soucieux vers le fond du wagon boudoir. « Et qui veillera sur elle ?» Ophélie se pencha pour observer à son tour Bérénilde, alanguie sur une multitude de coussins, la Valkyrie assise à côté d'elle comme une sinistre gouvernante. Elle caressait son ventre rebondi d'un air profondément songère. Lorsque Thorn avait décidé d'expédier Ophélie à l'autre bout du pôle, Bérénilde avait aussitôt pris les choses en main. Elle avait choisi elle-même leur destination, organisé les préparatifs du voyage et réservé un hôtel entier pour accueillir la famille d'Ophélie jusqu'au mariage. Pourtant, depuis qu'elles avaient quitté la cour, Bérénilde s'était enfoncée dans une étrange mélancolie, et plus elle descendait vers le sud, plus elle semblait préoccupée. Était-ce de s'éloigner de Farouk qui la rendait malheureuse ? Un neveu débordé, un mari mort et un amant invivable, commenta la tante Roseline. Tu me promets de lui confisquer ses cigarettes et ses verres de vin quand je ne serai plus là ? Ophélie acquiesça. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait le sentiment que la tante Roseline et Bérénilde s'étaient rapprochées, mais elle en eut à présent la certitude. En dépit de toutes leurs différences, une amitié bien réelle avait éclos entre les deux veuves. « J'ai besoin de me dégourdir les jambes, » dit Ophélie en se levant. « Ne t'éloigne pas trop, nous ne devrions pas tarder à arriver. » Les wagons privés étaient très bien gardés. Ophélie dut présenter son billet à 4 contrôleurs sourcilleux avant d'accéder à la partie arrière du train. À la différence de la première classe, où la moindre ampoule défaillante était aussitôt remplacée, il n'y avait ici aucun éclairage. En revanche, les autres sens étaient assaillis par les bavardages, la transpiration et le tabac. Les wagons de deuxième et de troisième classe étaient uniquement occupés par des ouvriers et des cueilleuses qui rentraient chez eux après le travail. Les sans-pouvoir appartenaient à une catégorie de la population qui n'avait pas de lien de descendance avec un esprit de famille et qui n'avait, par conséquent, hérité d'aucun pouvoir familial. Ils étaient si différents des courtisans qu'Ophélie avait du mal à croire qu'ils fussent les habitants de la même arche. À la cité ciel, en raison du haut degré de consanguinité, tout le monde ressemblait à tout le monde. Les nobles étaient pâles, des pieds à la tête. Sur ces banquettes de train, la palette des couleurs était entièrement représentée. Du blond platine au brun café, des peaux roses aux peaux cuivrées, des grands yeux clairs aux petits yeux noirs. Ils portaient sur le visage des traces de charbon, de plâtre ou de cambouis, qui indiquaient qu'ils sortaient d'une mine, d'un chantier ou d'une usine. Et toutes ces couleurs s'animaient, discutaient, chantaient. L'accent des sans-pouvoirs était si prononcé, leur patois si particulier, qu'Ophélie les comprenait à peine. Elle joua des coudes pour traverser le wagon et atteindre la passerelle arrière du train, où se tenait accoudée la silhouette massive de Renard. Le vent chahuta dans sa robe et mit à mal les épingles de ses cheveux. « Mademoiselle va attraper froid !» cria-t-il par-dessus le vent en voyant Ophélie se cramponner à la rambarde. « J'ai besoin de vos conseils !»« Oh ! À quel propos ?» Ophélie ne répondit pas tout de suite. Elle contempla entre les parois gigantesques des remparts le défilé des rails qui semblaient se débobiner sans fin sous les roues du train. Malgré l'heure tardive, il faisait encore clair, mais cette clarté-là n'avait rien à voir avec l'illusion tropicale de la jetée promenade et du gynécée. C'était un interminable crépuscule où il ne faisait ni complètement nuit, ni complètement jour. « Je me sens nerveuse comme une cafetière. »« Je vous demande pardon, mademoiselle ?» s'écria Renard. « Je me sens extrêmement nerveuse, » répéta Ophélie en forçant sur sa voix. « Je ne réussis pas à aimer ma nouvelle vie. Alors revoir ma mère, mon père, mon frère et mes sœurs, j'ai peur de ne pas parvenir à leur faire bonne figure. » « Andouille !» Ophélie haussa les sourcils avant de comprendre que ce n'était pas à elle que s'adressait Renard. Il avait pincé entre le pouce et l'index une petite boule tigrée qui cherchait à s'échapper de sa casquette de voyage. Andouille était un chaton qui collectionnait les bêtises. Il avait si bien pris l'habitude de s'inviter dans leur appartement au gynécée que Renard n'avait pas eu le cœur de s'en débarrasser malgré les insistances de Bérénilde. Renard posa Andouille au milieu de sa masse de cheveux roux et recoiffa sa casquette par-dessus. « Il est tellement empoté qu'il serait capable de tomber du train. Tu sais, gamin, je suis tout bouillonnant aux dents, moi aussi, » déclara Renard en se penchant vers Ophélie. « Je ne suis jamais allé dehors plus longtemps qu'à un tour de sablier, et c'est la première fois que je vais aussi loin de la cité à ciel. C'est comme si je ne respirais pas comme d'habitude. » Il inhala à plein poumon le parfum de l'air, curieux mélange de rails chauds et de neige fondue, puis il fronça ses sourcils rouges. « Je vous ai encore appelé gamin. »« J'aime bien, » assura Ophélie. « Je suis confus, mademoiselle. C'est à cause de Mime. J'ai tellement pris le pli. » La sirène de la locomotive engloutit la voix de Renard et le souffle bruyant d'un tunnel les enveloppa. « Si j'avais encore une famille, je ne m'embarrasserais pas de tralala. » s'égosilla Renard de façon à couvrir le vacarme du train. « La gentille comédie et les petites cachotteries, réservez ça pour la cour, si vous en avez gros sur le palpitant. Parlez à qui saura vous écouter. » Ophélie était en train de réfléchir à ce conseil quand elle perdit l'équilibre. Le poids de son corps se porta brusquement contre la rambarde de la passerelle et si Renard ne l'avait pas rattrapée dans l'obscurité, elle serait sans doute passée par-dessus bord. « Que se passe-t-il » s'inquiéta-t-elle. « Le train penche ?»« Il monte !» dit Renard. « Une pente sacrément raide. Tenez-vous bien ! Andouille, tu m'écorches le cuir chevelu !» Ophélie s'accrocha des deux mains à la rambarde. Cette ascension dans les ténèbres lui parut interminable quand, enfin, la voie ferrée retrouva son horizontalité et le tunnel s'ouvrit sur un torrent de lumière. « Mazette !» souffla Renard. Ophélie, elle, avait perdu ses mots. Il n'y avait plus de rempart autour d'eux. C'était leur train qui, à présent, roulait au sommet d'une immense fortification. Abolis les murs. Le monde n'était plus que mer et montagne à l'ouest, forêt et ciel à l'est. Le rendez-vous de toutes les immensités. Ophélie repoussa le tourbillon de boucles brunes qui se prenait dans ses lunettes, les yeux écarquillés, elle aurait voulu capter chaque détail de ce paysage surprise. Les glaciers qui réfléchissaient leur blancheur éblouissante dans le miroir des eaux, le vol d'un harfang des neiges sous la déferlante des nuages, le carillon d'un clocher au milieu de petites maisons multicolores, l'odeur puissamment résineuse des sapins et délicieusement salée de la mer. Ophélie aperçut même au pied de la muraille ses immenses pattes plongées dans une tourbière, un élan géant qui ébrouait ses bois et qui faisait à lui seul la taille du fourgon à bagages. « Je suis né sur la plus belle arche du monde !» dit Renard avec un sourire de fierté. « Et je ne le savais même pas !» Ophélie garda les yeux ouverts en grand pour s'emplir du paysage. De savoir que ces espaces infinis étaient tous composés d'une mosaïque d'éléments minuscules, gouttes, épines, sèves, étincelles, brindilles, lui donnait le tournis. C'était donc cela, le pôle, vu au-delà des murs et des illusions. La coexistence de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Reynold, j'ai encore besoin de votre avis sur une question. Oui, mademoiselle. Est-ce que vous croyez en Dieu? Renard haussa ses touffes de sourcils. Oula! Fit-il en pinçant sa visière pour éviter que le vent n'emportât sa casquette et son chat. Dieu, comme vous dites, ça fait un peu vieux folklore. Je suis comme la plupart des gens, moi. Je crois surtout aux esprits de famille. C'était évident. Quand on avait un immortel à la tête d'une arche, il faisait figure de divinité. Les mythologies de l'ancien monde étaient tombées en désuétude. Qui donc était ce Dieu cité dans les lettres anonymes, si ce n'était Farouk? Un autre esprit de famille? Ophélie était si absorbée par ses pensées qu'elle ne se rendit pas compte que le train ralentissait pour entrer en gare. Aussi resta-t-elle bête quand sa mère lui apparut sur le quai au milieu d'un nuage de vapeur, main sur les hanches, pareille à une bonbonnière dans sa belle robe du dimanche. « J'en étais sûre. Tu ne portes même pas le manteau que je t'ai offert.